Quatrième partie, quatrième expédition à la baie d'Hudson. Tous les préparatifs étant terminés à Plaisance et les équipages de l'escadre ayant été complétés, on mit à la voile le 8 juillet 1697 et l'on avança par un vent du sud-ouest. D'Iberville commandait le Pélican, vaisseau de 50 canons et de 150 hommes d'équipage. Monsieur de Sérigny commandait le Profond et Monsieur de Boisbriand, le Wesp. Ces officiers avaient parcouru plusieurs fois les mers du Nord et connaissaient la baie d'Hudson. Enfin, les hommes de guerre qui les secondaient avaient été déjà leurs compagnons. Outre Monsieur d'Iberville et ses deux frères, Monsieur de Sérigny et Monsieur de Bienville, âgés seulement de 14 ans, et frères chéris d'Iberville, il y avait leur cousin de Martigny, fils de leur oncle Jacques Lemoine, les deux messieurs Duguet de Boisbriand, de La Salle, de Caumont, le chevalier de Montalembert, de la compagnie du marquis de la Villette, monsieur de la Poterie, qui a publié plusieurs volumes pleins d'intérêt sur la Nouvelle-France et sur les événements dont il avait été témoin, messieurs de Granville et de Ligonde, gardes de la marine, Châtrier, Saint-Aubin, Jourdain et Vivien, pilotes, la Carbonnière de Montréal, Saint-Martin, etc. Enfin, Jérémie qui a laissé une relation assez complète de tous ces événements. Ils avaient avec eux un aumônier. D'Iberville avait toujours soin d'en associer à toutes ses entreprises, où il fallait toujours être prêt à donner sa vie pour leur service de Dieu et du roi. Cet aumônier était M. Fitzmaurice, de la famille des Kierry en Irlande, dont d'Iberville estimait tout particulièrement le mérite et le zèle infatigable. Il devait rendre les plus grands services et il était destiné à subir de grandes fatigues. L'équipage était réparti sur 5 navires, le Pélican, le Palmier, le Wesp, le Profond et un brigandin nommé l'Esquimau, chargé de vivres. L'escadre réunissait, outre les hommes d'équipage, 250 combattants. Les bâtiments étaient approvisionnés de tout ce qui était nécessaire pour ces expéditions du Nord. Des mousquets, des haches d'armes, des harpons, des grappins pour fixer les navires sur les glaces lorsqu'on ne pouvait plus naviguer, des couvertures de laine et des fourrures pour les jours les plus froids, des armes particulières pour combattre les baleines, qui naviguaient par légion dans le Nord, et pour s'emparer de ces populations d'amphibies qui couvraient les rivages parfois jusqu'à perte de vue, sans compter les armes de chasse pour attaquer ces tribus d'oiseaux si nombreux, non encore décimés par les chasseurs, les oies, les outardes, les pingouins, les mouettes, les goélands. De Plaisance, on longea l'île pour se rendre sur la côte orientale. On passa devant le cap Sainte-Marie, devant le cap de Rase au sud de l'île, puis on remonta le long du banc de Terre-Neuve. M. d'Iberville avait reçu l'instruction de courir des bordées sur cette côte. Mais des brumes très épaisses s'étant élevées, ces instructions ne purent être observées, et l'escadre se dirigea aussitôt vers le nord. Le 17 juillet, 9 jours après le départ, l'escadre ayant passé le cap Saint-François et le cap Bonavista, on se trouva près de Belle-Île, en face de l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, et par le 52e degré de latitude. On commença à rencontrer quelques glaces dérivant vers le sud, mais ce n'était rien en comparaison de ce que l'on devait voir plus tard. Le 18 juillet, l'escadre longea les côtes du Labrador. Le 24, 16 jours après le départ de Plaisance, l'entrée de la baie d'Hudson se présenta. Elle était toute obstruée de glace. On était en face de l'île de la Résolution et des îles Button, qui conservent encore le même nom. Il fallait se frayer un passage en naviguant vers l'ouest. D'Iberville, monté sur le Pélican, affrontait les banquises, sachant profiter de toutes les ressources de ces passages qu'il avait traversés plusieurs fois, effrayant la route aux autres navires. Il fallait souvent grappiner, c'est-à-dire fixer les bâtiments sur les glaces au moyen de grappins dont on avait un bon nombre. À cette hauteur, on était au 62e degré de latitude. Le soleil était perpétuel, éclairant la nuit comme le jour. On rencontra ensuite les îles du Pôle et de la Salamandre, ainsi nommée d'après les deux bâtiments que d'Iberville y avait conduits dans son voyage précédent de 1694. Arrivés à ce point, les navigateurs virent marcher contre eux l'immensité des glaces venant du pôle. Elles apparaissaient au loin, jusqu'à la ligne de l'horizon. C'étaient des masses énormes qui semblaient entassées les unes sur les autres. Enfin, à chaque instant, comme dans la région des nuages, on voyait s'accomplir les mouvements les plus variés. Certains bancs s'arrêtaient et se disposaient avec ordre, comme les quais d'un fleuve. Les autres continuaient à marcher et s'avançaient plusieurs de front comme une flotte gigantesque. Il y avait des blocs de 300 pieds de hauteur. À certains moments, dans cette procession effrayante, il y avait des rencontres avec des bruits terribles. Tantôt c'était comme des coups de tonnerre, d'autres fois comme des salves d'artillerie ou des feux de fil de mousqueterie. À ces rencontres, les blocs de glace poussés par une force irrésistible se levaient, se dressaient les uns contre les autres et menaçaient de s'abattre sur les embarcations. Il était difficile de braver ces obstacles avec ces petits navires qui étaient si mal disposés pour supporter les grandes lames de l'océan. C'est ainsi que s'avançaient ces intrépides navigateurs. Ils n'avaient pour appui que des coques de noix. Ils étaient dépourvus de ces instruments de précision moderne qui parlent un langage si infaillible. Ils n'avaient pour guide que la boussole et marchaient comme les yeux fermés dans les brumes. À un certain moment, un vent s'éleva qui ébranla les glaces et les bouleversa. Au milieu de ce conflit, deux bâtiments se rencontrèrent et un mât d'artimon fut brisé. Tandis que le brigandin l'Esquimau, poussé par la violence des courants, fut enlevé et sombra avec son chargement. Tout ce que l'on put faire fut de sauver l'équipage. Dans ces régions, les tempêtes sont plus effrayantes que partout ailleurs. Le 24 juillet, l'escadre en ressentit une qui dura 8 heures. Les cordages et le pont étaient couverts de verglas. Les voiles s'immobilisaient. Le veilleur à son poste d'observation en haut du mât était comme une stalactite vivante. Les côtes présentaient une masse de pics et de précipices effrayants. Enfin, au milieu de la tempête, le Pélican se vit séparé des 3 autres vaisseaux qui jusque-là l'avaient suivi. Le 8 du mois d'août, on était entré dans le détroit de la baie d'Hudson. On doubla le cap O, puis le cap Charles, à 50 lieues de l'ouverture du détroit. Le 15 du mois d'août, le Pélican était arrivé à 150 lieues des îles Button et de l'entrée est du détroit. D'Iberville, ne voyant pas arriver les 3 vaisseaux français, s'arrêta quelques jours pour les attendre. Ils étaient au milieu des splendeurs des mers du Nord. Dans le jour, ils pouvaient contempler un ciel d'un éclat et d'une pureté extraordinaire, qui tranchait sur la blancheur des neiges, et les glaces qui s'étendaient à perte de vue. Pendant la nuit, les aurores boréales apparaissaient avec leur lueur plus blanche que l'albâtre et variant à chaque instant. Autour du navire, tout un peuple d'amphibies, de loups et de veaux marins couvrait les rivages. Ils offraient aux chasseurs une proie facile. Dans le ciel, des vols et d'oiseaux énormes, les outardes, les goélands, remplissaient les airs, et ils étaient en si grande quantité que la poterie nous dit qu'on pouvait les prendre par milliers. Tandis qu'on pouvait se livrer à la chasse, on pouvait aussi s'occuper à la pêche, qui offrait une proie abondante. On était encore sur les glaces lorsqu'on vit arriver une bande de sauvages esquimaux avec qui l'on se mit en rapport. Monsieur de la Poterie donne de grands détails sur ces habitants étranges des mers du pôle. Il nous dit comme leurs vêtements, leurs armes et tous les objets à leur usage sont admirablement adaptés au climat qu'ils doivent habiter. Ils portent un surtout fait de fourrure très épaisse, avec des gilets et des hauts de chausses de peau. Le tout est cousu avec les nerfs les plus délicats des animaux et avec une perfection dont les couturières européennes n'approchent pas. Par-dessus leurs chausses, ils mettent 2 paires de bottes l'une sur l'autre, alternées avec des chaussons de peau. Ils prennent donc plus de précautions contre le froid que les Européens, mais aussi il paraît qu'ils ne connaissent pas les infirmités qui affligent les peuples qui se disent civilisés. Leurs canots de peau de loup marin, montés sur des os de baleine, sont une invention merveilleuse pour braver la fureur des flots. Ils sont tout couverts sur le dessus, à la réserve d'une ouverture où les navigateurs se mettent. Elle est si bien ajustée qu'il n'y entre jamais d'eau. Ils les gouvernent très facilement avec une rame de 4 pieds de longueur, arrondie aux 2 extrémités, et qu'ils savent manœuvrer avec une rapidité extraordinaire. le Pélican remit à la voile et arriva le 3 septembre en vue du fort Nelson, n'ayant pas de nouvelles des autres bâtiments. Le 5 septembre, l'on vit arriver trois vaisseaux que l'on prit pour l'escadre. Grand mouvement à bord et grande joie. On bat aux champs et l'on arbore les pavillons de bienvenue. Mais étonnement général, lorsqu'on s'aperçoit que les bâtiments signalés ne répondent pas et s'avancent toujours, en silence à force de voile. La méprise ne fut pas longue, on avait devant soi trois vaisseaux ennemis qui venaient d'attaquer le profond dans le nord de la baie et qui croyaient l'avoir coulé à fond. Ces trois bâtiments étaient le Hampshire, de 50 canons et de 150 hommes d'équipage, le Dering, de 36 canons et 100 hommes d'équipage, et le Hudson Bay, de 32 canons et plus de 200 hommes d'équipage. Total près de 350 hommes avec 108 canons, auxquels le Pélican ne pouvait opposer que 150 hommes et 50 canons. D'Iberville comprit aussitôt le danger, mais il jugea qu'il devait le braver. D'ailleurs, il commandait des hommes résolus et qui n'auraient pas voulu entendre parler de retraite. Aussitôt, il divise son monde en plusieurs détachements. Il met La Salle et De Granville, gardes de la marine, avec leurs hommes à la batterie d'en bas. Il place son jeune frère de Bienville et M. de Ligonde, autres gardes de la marine, à la batterie du haut, et établit M. de la Poterie, Saint-Martin et la Carbonnière au château de l'Avent avec les hommes les plus aguerris. Lui-même se porte avec un détachement au château de Poupe, près du pilote pour tout diriger. D'Iberville, avec l'intelligence qui le caractérisait, décida qu'un abordage vaudrait mieux que le vain essai de lutter, avec 50 canons, contre trois vaisseaux pouvant tirer de tous côtés en l'environnant comme d'un cercle de feu. Il se dirige donc vers le Hampshire, tandis que les Anglais l'apostrophaient en criant qu'ils le reconnaissaient, qu'ils le cherchaient depuis longtemps, que son dernier jour était venu et qu'ils ne l'épargneraient pas. Et sur cela des cris et des hurrahs répétés. Le moment était solennel. D'Iberville avançait toujours. Il était d'une impassibilité qui lui était ordinaire dans le danger et qui électrisait ces gens qui avaient les yeux sur lui. Il fait sonner l'abordage. Tous ces gens se gardent à bord pour essuyer la première bordée du Hampshire, puis ils se relèvent et montent d'un bond sur les embrasures. Retenus d'une main aux manœuvres du navire, de l'autre ils brandissaient leurs haches d'armes. Le navire marchait avec rapidité. Le capitaine du Hampshire, les ayant contemplés quelques instants, jugea qu'il pouvait être anéanti du premier coup avant qu'il pût être secouru par les autres navires. Il fait aussitôt carguer ses voiles, et virant de bord, il se dérobe à une lutte qu'il n'ose pas affronter. D'Iberville ne perd pas un instant. Il continue sa course et se dirige entre les deux autres vaisseaux. En passant près du Dering, il le foudroie avec sa batterie de droite. Il se retourne vers le Hudson Bay et lui envoie sa bordée de gauche. Puis il revient vers le Hampshire, qui, voyant le Pélican aux prises avec deux vaisseaux, avait décidé de se remettre en ligne. Les deux bâtiments anglais avaient peine à se rétablir. Les manœuvres étaient hachées, les voiles criblées, les canons renversés, les blessés nombreux. Cependant, D'Iberville, voyant que ce qu'il avait voulu éviter allait se réaliser, si les trois navires se réunissaient, marcha droit sur le Hampshire. Pendant ce temps, les trois navires se remirent en ligne et tiraient à la fois, criblant le Pélican, mais sans blesser beaucoup de monde, les gens d'Iberville étant si exercés à se garer à chaque bordée. Ils jugeaient de la direction des coups, et suivant leur portée, ils montaient dans les manœuvres avec la rapidité la plus extraordinaire, ou se garaient dans l'entrepont, puis ils revenaient sur le Tillac en poussant des cris de défi. Le Hampshire, voyant l'inutilité de toutes ces volées de canons, se décida enfin à aborder le Pélican, réservant son feu pour frapper son adversaire d'aussi près que possible. Il commença par chercher à prendre le vent pour revenir sur le Pélican avec plus de force, mais là éclata l'inhabileté des marins anglais. Ils ne purent réussir dans cette manœuvre, et se retrouvèrent côte à côte avec le Pélican, qui les prolongeait et les suivait dans tous leurs mouvements. C'est alors qu'arriva l'événement le plus considérable du combat. Les navires étaient si près l'un de l'autre que les hommes s'apostrophaient des deux bords. Les Anglais criaient aux Français qu'ils vinssent leur rendre visite, et voyant M. de la Poterie, qui avait le visage tout noir de poudre, ils s'écrièrent « Ali, quel beau visage de Guinée !» Le Hampshire, se voyant apporter de pistolets, lança sa bordée. qui n'eut presque pas de prise sur l'équipage étendu à plat sur le pont. Alors d'Iberville riposta. Tous ses canons étaient pointés à coulée bas, et il envoya si bien s'aborder que le Hampshire ne put faire que quelques brasses et sombra complètement sous voile, avec tout son monde qui comprenait 150 combattants. Les deux autres vaisseaux, voyant ce désastre, ne songèrent plus à faire aucune résistance. Le Dering vira de bord avec la plus grande hâte et s'enfuit. Mais l'Hudson Bay, trop criblé pour en faire autant, amena aussitôt son pavillon et d'Iberville envoya la Salle avec 25 hommes pour la mariner. Tout avait été si bien conduit que d'Iberville n'avait pas de morts et ne comptait que 14 blessés. Mais les manœuvres étaient coupées, les voiles percées à jour, les mâts criblés. Le chevalier de Ligonde avait reçu 2 coups de feu. La Carbonnière avait le coude entamé. Saint-Martin, la main fracassée. Monsieur de la Poterie avait reçu plusieurs balles dans ses vêtements et avait un bras contusionné. Après ce combat acharné, il se passa encore bien des événements avant l'attaque du fort Nelson. On était parvenu au 7-2 septembre, et l'on expérimenta alors la rigueur de ces climats. Il faisait très grand froid. Le vaisseau, avec ses agrès et ses mâts, était tout couvert de neige et de verglas. Le vent était très fort, et la grande ancre s'étant rompue, la désolation fut au comble parmi les blessés et les malades. Monsieur de la Poterie, quelque accablé de fatigue qu'il fût, avait encore assez de liberté d'esprit pour faire la remarque que Horace, qui relève l'audace de celui que le premier confia une nef au flot, ne s'était cependant jamais trouvé en si fâcheuse conjoncture. Illi robur et est triplex, circa pectus erat qui fragilem trussi, cobisit pelago ratem, primus nec timuit precipitem africum, desertantem. La tempête se déchaîna ensuite dans toute sa fureur. La galerie fut enlevée, les tables et les bancs brisés dans la grande salle. Enfin, vers 10 heures du soir, le 7 septembre, le gouvernail fut enlevé. Le vaisseau secoué et poussé sur les battures ne put résister et fut ouvert par le milieu. Au matin, il commença à sombrer. Il fallut l'abandonner. En ce moment, on voyait la terre à 2 lieues. Au milieu de ces épreuves, d'Iberville était inébranlable. C'était dans les plus terribles circonstances que se révélait sa fermeté et la sûreté de ses décisions. Il se mit en devoir de sauver son équipage. Il envoya Monsieur de la Poterie et son cousin de Martigny dans un esquif chercher un lieu de débarquement. Puis il fit disposer des radeaux et embarqua son monde. Les rigueurs du froid étaient telles que sur les 200 hommes qui se trouvaient sur le bâtiment et qui eurent à traverser les battures dans l'eau jusqu'à la ceinture, 18 périrent. Monsieur de la Poterie tomba sans mouvement, épuisé de fatigue. Quelques Canadiens le sauvèrent. L'aumônier, Monsieur de Fitz-Maurice, fut admirable de dévouement, étant, comme nous l'avons dit, d'une force extraordinaire. Il soutenait et même portait ceux qui ne pouvaient se traîner, et il ne les abandonnait pas avant qu'ils fussent arrivés en terre ferme. De grands feux que l'on fit soulagèrent ces pauvres gens, qui étaient légèrement vêtus et tout dégoûtants encore du naufrage. Dans tous ces désastres, d'Iberville avait veillé à tout. Il avait sauvé sa provision de poudre, et il put ainsi envoyer ses meilleurs tireurs pour se procurer du gibier. Heureusement, les autres vaisseaux arrivèrent, le Palmier, le Wesp et le Profond, apportant des vivres, des munitions et des vêtements de toutes sortes. Il était temps, les plus robustes succombaient, les plus nobles cœurs étaient anxieux. Les fronts s'éclaircirent, mais comme en ces temps la foi accompagnait toutes les émotions, de vives démonstrations de reconnaissance furent adressées à Dieu. D'ailleurs, ces braves gens étaient déterminés à toute tentative suprême, et périr pour périr, ils disaient qu'il valait mieux sacrifier sa vie sur un bastion du fort Nelson que de languir dans un bois avec un pied de neige. « Le 11 septembre, dit Monsieur de la Poterie, nous allâmes faire du feu à la portée du canon du fort, et sous le couvert des arbres, pour tromper l'ennemi. La fumée nous attira des coups de canon, mais facilita aux gens le débarquement le long de la rivière. Monsieur d'Iberville, se dirigeant par de petits sentiers couverts, s'en alla reconnaître la place, sur les 11 heures du matin. Après quoi il envoya 2 Martigny en parlementaire pour réclamer 2 Canadiens et 2 Iroquois qui étaient restés prisonniers l'année précédente. Le gouverneur les refusa. Alors, on résolut l'attaque. Après dîner, on dressa une batterie à 200 pas du fort. Et l'on débarqua les mortiers, les canons et les munitions sous la direction du chevalier de Montalembert, garde de la marine. Le lendemain, le bombardement commença vers 10 heures du matin et continua jusqu'à 1 heure de l'après-midi. Les bombes faisaient un effet merveilleux. Les remparts étaient renversés et les Canadiens envoyés en tirailleurs. Voyant les résultats, les saluaient de sassacouès de triomphe. On commença alors sur la côte opposée du nord, une nouvelle batterie qui aurait écrasé le fort. Mais le gouverneur envoya le ministre M. Morrison proposer une capitulation qui ne put être acceptée à cause des conditions qui l'accompagnaient. Enfin, le lendemain 13 septembre, le gouverneur envoya des parlementaires chargés d'accepter les conditions posées par M. d'Iberville. À 1 heure de l'après-midi, l'évacuation eut lieu. Les garnisons sortit tambour battant, mèches allumées, enseignes déployées, avec armes et bagages. Le fort Nelson, que l'on venait de prendre, est au 59e degré, 30 minutes de latitude. C'est la dernière place de l'Amérique septentrionale. Il était en forme de trapèze avec 4 bastions. Dans chaque bastion, il y avait des fauconneaux et des pièces de 4 et de 8. En tout, 2 mortiers de fonte, 34 canons et plusieurs petites pièces. M. d'Iberville installa ses hommes, puis fit célébrer les offices religieux. M. de Fitzmaurice fit les offices et ensuite s'occupa de se mettre en rapport avec les sauvages. Cette campagne rendait la France maîtresse de toute la baie d'Hudson et de toutes ses richesses qui sont très grandes, car dans un climat si rude, la Providence a pourvu merveilleusement à la subsistance des peuples qui y sont établis. Les rivières sont très poissonneuses, la chasse y est abondante. Il y a des perdrix en si grande quantité qu'on peut en tirer des milliers et des milliers. Elles sont toutes blanches, beaucoup plus délicates que celles d'Europe, et presque aussi grosses que des poules. Les outardes et les oies sauvages y abondent si fort au printemps et à l'automne que les bords des rivières en sont remplis. Les caribous s'y trouvent presque toute l'année. On les rencontre parfois par bandes de 700 à 800. La viande en est encore meilleure que celle du cerf. Les pelleteries sont très nombreuses, très variées, très précieuses, bien plus belles que celles des climats plus doux. Les martres, les renards noirs, les loutres, les ours, les loups, les castors sont très abondants et d'une fourrure fournie et très fine. Mais ce qui pouvait surtout attacher les Français à ce pays, c'est que les sauvages sont bons, très désireux d'embrasser la vraie religion, et tout différents des populations iroquoises, qui ont été si acharnées contre les établissements français. Les sauvages venaient donc en foule au Fort Nelson pour se mettre en rapport avec les Français, qu'ils avaient appris à aimer dans leur rapport précédent. Ils aimaient ardemment le noble caractère d'Iberville. Ils estimaient sa franchise, sa noblesse de cœur, sa droiture, qui est la qualité qu'ils estiment le plus, nous dit M. de la Poterie. Ils avaient appris à connaître M. de Martigny et M. de Sérigny, qui, dans les expéditions précédentes, étaient restés plusieurs mois avec eux. Ils savaient d'avance aussi qu'ils devaient mettre toute leur confiance dans le missionnaire par les vertus qu'ils avaient admirées dans ceux qui l'avaient précédé. Ils n'oubliaient pas le père Sylvie, venu avec d'Iberville dans sa première expédition, et qui, resté avec eux, s'était dévoué jusqu'à ce que sa santé fût épuisée. Le père Sylvie, après ses œuvres de mission à la baie d'Hudson, fut rappelé à Québec, mais le coup de mort était déjà porté. Il mourut au bout de quelques semaines. Les sauvages savaient tout cela et lui conservaient une filiale reconnaissance. Ils avaient été attachés encore au nom français par le dévouement sans limite du père Marest, venu en 1694 et qui était resté plusieurs années avec eux. Le zèle qu'il avait mis à travailler au service de l'équipage, pendant l'hiver même, était grand, mais celui qui l'animait à s'occuper des sauvages était encore plus grand, à cause du besoin où il voyait leurs âmes. Ils s'en allaient aux plus grandes distances par tous les temps. Ils passaient les rivières à mi-corps, traversaient des marais et des savanes, supportant les froids les plus violents, et gagnant ainsi le cœur des sauvages. Ils comprenaient en le voyant supporter héroïquement ces épreuves quelle affection ils devaient avoir pour les âmes. Ce sont des choses que les sauvages ne devaient jamais oublier. Ils n'avaient rien vu de semblable chez les ennemis des Français. M. de Fitzmaurice, animé par ces exemples, se mit dans les mêmes rapports avec les sauvages. Il allait au loin les trouver dans leur campement et passer les ruisseaux, les rivières, les marais, supportant tout. Mais il est bon de rapporter une part du mérite de ses œuvres à M. d'Iberville, qui s'occupait avant tout du bien spirituel de ses hommes et des sauvages. À bord, il assistait aux prières, aux neuvaines et à la sainte messe. Il secondait l'aumônier dans toutes les dispositions de son zèle. Le père Fitzmaurice nous dit qu'il était un des premiers à la confession et à la communion. Nous ne pouvons avoir une trop haute idée de ces héros chrétiens, plaçant au-dessus de tout le but religieux qui les guidait dans leur entreprise, et sachant mettre leur conduite en rapport avec leurs pieuses convictions. Il rappelle les héros des croisades. M. d'Iberville pourvut ensuite à l'organisation de la nouvelle colonie. Il mit son frère de Sérigny à la tête des stations. Il demanda ensuite à M. Fitzmaurice de se charger de l'administration spirituelle. Puis il repartit pour la France le 24 septembre 1697, bien que la saison fût déjà avancée. Il avait installé à bord du Profond l'équipage du Pélican, qui avait sombré. Il y avait ajouté une partie de l'équipage de l'Hudson Bay et enfin la garnison du fort qu'il devait rapatrier. Une heure après le départ, le Profond échouait, mais ce ne fut qu'une alerte de peu de durée, car la marée survenant, on put continuer la route. À cette époque de l'année, le soleil baissait sur l'horizon à mesure que l'on avançait vers le nord, et au bout de quelques jours, il ne paraissait plus et l'on ne pouvait plus prendre la hauteur pour se diriger. Aussi, dit M. Bacqueville de la Poterie, on avançait dans les ténèbres. On ne voyait plus rien, et par surcroît, il arriva une très forte tempête. Avec tout cela, il fallait trouver le détroit pour sortir de cette mer tempétueuse. Après plusieurs jours d'inquiétude et de tâtonnement, on put reconnaître qu'on était à l'entrée du détroit et en face de l'île de Sasbré. On continua la marche avec plus d'assurance, en allant toujours à l'est, et le 2 octobre, c'est-à-dire 8 jours après le départ du Fort Nelson, l'escadre se trouvait à 50 lieues de l'entrée ouest du détroit, devant le cap Charles, au 63e degré de latitude, presque au milieu du parcours du détroit. On longea ensuite les îles Bonaventure. Ces îles avaient été ainsi nommées dans une expédition précédente, du nom du capitaine de frégate Bonaventure, qui avait accompagné le chevalier en 1689. On passa ensuite devant les îles Sauvages et devant le cap Dragon, au 62e degré de latitude. Le 9 octobre, on longeait les îles Button, et enfin le 10 octobre 1697, on était hors de danger à l'entrée du détroit, où l'on avait passé précédemment le 7 juillet, en se rendant dans la baie d'Hudson. M. de la Poterie cite alors ces vers d'Horace adressés à Virgile, qui se rendait d'Italie à Athènes avec un vent de nord-ouest. « Ventorumque regat pater, obstricis alis proeter lapija. » C'était le vent d'Iapix qui était favorable à Virgile, comme le vent nord-ouest qui poussait l'escadre vers la sortie du détroit. Dans cette traversée, M. de la Poterie fit remarquer que les équipages furent rudement éprouvés par le scorbut. Les hommes étaient exposés à prendre cette terrible maladie par l'usage des viandes salées, par les rafales continuelles qui couvraient d'eau les bâtiments, par l'impossibilité de changer d'habits et de linge, qui étaient en petite quantité. Plusieurs succombèrent. L'escadre arriva à Belle-Île le 9 novembre, et 2 semaines après, Rochefort, terme de la navigation, était en vue. En terminant sa relation, M. de la Poterie croit devoir assurer que l'occupation de la baie d'Hudson ne ferait pas assez d'avantages de commerce pour affronter les périls d'une navigation si longue et si difficile dans des climats si rigoureux. Mais tel n'était pas le sentiment du chevalier d'Iberville, qui savait très bien le parti que les Anglais pouvaient tirer de ce pays. C'est ce qui a été confirmé par la suite des événements. Les Anglais revinrent plus tard. Ils s'assurèrent de tout le pays, favorisèrent des associations puissantes, et ces commerçants, avec les subsides et les primes du gouvernement, établirent 2 grandes compagnies qui se mirent à la tête du commerce des fourrures dans le monde entier. Ce sont les 2 compagnons de la baie d'Hudson et du Nord-Ouest qui, jusque dans les derniers temps, ont réalisé des bénéfices montant presque chaque année à la somme de 20 à 25 millions de francs. D'Iberville, à son retour, vit le ministre des colonies et lui exposa avec force la situation de la Nouvelle-France et le danger que lui faisait courir le voisinage des Anglais. ces représentations eurent un plein succès, et le ministre chargea d'Iberville d'une expédition plus considérable que toutes celles qui lui avaient été confiées jusque-là. C'est ce que nous verrons dans les chapitres suivants.